الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. L'objectif de ce cours, ou de, Inch'Allah ou Ta'ala, cette série de cours, de cette série de cours qui vont suivre, est d'exposer une question et de présenter un ensemble de points importants pour le croyant afin de se préserver d'une aqida propagée et qui est une croyance égarée, à savoir la aqida des Murji'a. Donc je vais lire, Inch'Allah Ta'ala, un ouvrage dont le titre est « Husnul Mu'min min kulli murji » donc la citadelle du croyant, afin la citadelle du croyant contre tout murji, ou sans traduire au mot à mot, le sens du titre, c'est que ce qui va être mentionné dans le livre permet aux croyants de se préserver des ambiguïtés apportées par cette secte et les adeptes de cette secte-là, qui sont les murji'a. L'auteur dit donc, qui est Cheikh Mustafa Salam Abu Islam, Hafidhahullah, il dit donc à la page 9, « Ma haddul iman ?» Première question, quelle est la définition de la foi ?« Qul » Donc si cette question était posée, dit donc, « Al-imanu yatakawanu min juz'ayni, al-awwalu al-qawlu, wa huwa qawlani, qawlu al-lisan wa qawlu al-qalb, al-thani al-amal, wa huwa amalani, amalu al-qalbi wa amalu al-jawarih. » Donc si cette question t'est posée, dis donc, la foi est composée de deux parties. La foi est composée de deux parties. La première, une parole. Une parole. Un qawl. Wa huwa qawlan. Et cette parole est de deux sortes. Qawlul lisan, la parole de la langue. Wa qawlul qalb, et la parole du cœur. Al-thani, le deuxième, al-amal. La deuxième partie sont les actes. Wa huwa amalan. Et ces actes sont de deux sortes aussi. Amalul qalb, les actes du cœur, wa amalul jawarih, et les actes des membres du corps. Wa alayhi fahaddul imani awwalan, fahaddul imani ala wajhi at-tafsil arba'atu ajza', wa hiya qawlul lisan wa qawlul qalbi wa amalul qalbi wa amalul jawarih. Donc par conséquent, la définition de la foi d'une manière détaillée et précise, la définition de la foi d'une manière détaillée et précise, la réalité de la foi d'une manière détaillée et précise se compose de quatre parties. Se compose de quatre parties, qui sont la parole de la langue, la parole du cœur, les actes de la langue, les actes du cœur et les actes des membres du corps. Thaniyan wa at-tasdiq huwa majmou' qawl al-qalb huwa majmou' qawl al-qalb wa 'amal al-qalb. Et le tasdiq, l'approbation, et la foi, lorsqu'on parle de tasdiq, lorsque le terme tasdiq est employé, il englobe les paroles du cœur et les actes du cœur, les paroles du cœur et les actes du cœur. Wa alayhi fahaddu al-iman huwa qawlu al-lisan wa tasdiqun bil-jinan qawlun bil-lisan wa tasdiqun bil-jinan wa 'amalun bil-arkan. Et de même, par conséquent, la définition de la foi est une parole par la langue, un tasdiq par le cœur. Le tasdiq est donc, comme on l'a vu précédemment, la parole et l'acte du cœur. La parole du cœur, c'est les convictions, comme on va voir. Et là, les actes du cœur, nous allons voir aussi leur définition. Donc, par conséquent, la définition de la foi et la limite de la foi est une parole du cœur, une parole de la langue, un tasdiq par le cœur et des actes par les membres du corps. Deuxième question. As-su'al thani. Hal kullu man yaqulu al-iman qawlun wa 'amalun yu'addu sunniyan? Est-ce que tous ceux qui disent que la foi est une parole et des actes Est-ce que toute personne qui dit ça est un sunni, est une personne qui fait partie de Al-Sunnati wal-Jama'a? Qul al-Jawab, la, bal la budda min muwafaqati Ahl-Sunnati fil murad. La réponse, non. Ce n'est pas toute personne qui dit que la foi est une parole et un acte, est composée de paroles et d'actes, qui fait partie d'Ahl-Sunnah. Mais cette personne, pour qu'elle fasse partie d'Ahl-Sunnah, elle doit être en accord avec Ahl-Sunnah dans ce qu'ils ont visé lorsqu'ils ont défini la foi comme étant une parole et des actes. Ala tara awalan an al-khawarij yaquluna in al-iman qawlun wa amal. Ne vois-tu pas, par exemple, que les khawarij disent que la foi est composée de paroles et d'actes? Wal mu'tazila yaquluna in al-iman qawlun wa amal. Et les mu'tazila disent aussi que la foi est composée de paroles et d'actes. Wal murji'a wa murji'at al-'asr yaquluna in al-iman qawlun wa amal. Et les murji'a contemporains disent aussi que la foi est composée de paroles et d'actes. Ce que le shir veut dire, c'est que toutes ces personnes disent que la foi, et tous ces groupes disent que la foi est composée de paroles et d'actes, et malgré ça, ils ne font pas partie d'Al-Sunnah. Donc, il ne suffit pas de dire que la foi est composée de paroles et d'actes pour faire partie d'Al-Sunnati wal-Jama'a, mais il faut viser le même objectif qu'Al-Sunnah wal-Jama'a ont visé lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes. Troisième question, السؤال الثالث. ما مراد أهل السنة من قولهم أن الإيمان قول وعمل. Donc la troisième question, que vise et quel est l'objectif de Ahl Sunnah lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes. الجواب قل مرادهم أولا أن القول جزء من الماهية. Donc leur objectif est premièrement que la parole est une partie de la réalité de la foi. Que la parole est une partie de la réalité de la foi. Thaniyan anna al-qawl qawlani, qawl al-qalbi wa qawl al-lisan. Deuxièmement, que la parole est de deux sortes. Qawl al-qalb, la parole du cœur, qu'on va voir qui est la conviction du cœur, wa qawl al-lisan est la parole de la langue. Thalithan, troisièmement, anna al-amala juz'un min al-mahiyya, que les actes sont une partie de la réalité de la foi. Rabi'an anna al-amala amalani, que les actes sont de deux sortes, amalul qalbi wa amalul jawarih, les actes du cœur et les actes des membres du corps. Khamisan, cinquièmement, anna amalul qalbi wa amalul jawarih mutalazimani bima'na mata wujida amalul qalbi ta'ayyana wujudu amalil jawarih. Cinquièmement, leur objectif par cette, lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, est aussi que les actes du cœur et les actes des membres du corps sont liés. Il y a un lien permanent, il y a une corrélation entre les actes du cœur et les actes des membres du corps. C'est-à-dire que si l'acte du cœur est présent, forcément l'acte des membres du corps qui est lié à cet acte du cœur sera présent. L'acte des membres du corps qui est lié à cet acte du cœur et sera forcément présent si cet acte du cœur est présent. Sadisan, sixièmement, anna qawla al-qalbi aslun wa amal al-qalbi far'un alayh. Sixièmement, que les paroles du cœur sont un fondement. Les paroles du cœur, la parole du cœur, la conviction du cœur est un fondement. Wa amal al-qalbi far'un alayh. Et les actes du cœur suivent ce fondement-là. C'est-à-dire que comment vient-on à aimer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir cru qu'il existe, après avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs, après avoir cru qu'Allah est le seul digne d'être adoré? À ce moment-là va suivre de cette croyance, cette connaissance qu'Allah existe, qu'Allah est parfait dans ses noms et ses attributs, qu'Allah est le seul digne d'être adoré, de cette connaissance-là va suivre et va apparaître l'amour d'Allah. Donc, la connaissance qui est la parole du cœur est un fondement, une base. Et sur ce fondement se construit les actes du cœur. Sur ce fondement se construit les actes du cœur, qui est l'amour dans l'exemple que nous avons donné. Septièmement, سابعًا أن مجموع قول القلب وعمل القلب أصل. Que c'est cet ensemble qui est les paroles du cœur d'un côté et les actes du cœur de l'autre est un fondement. Et les paroles de la langue et les actes des membres du corps découlent de ce fondement-là présent dans le cœur. Ce fondement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les actes, les paroles du cœur, les connaissances du cœur et les actes du cœur sont un fondement. Découlent de ce fondement-là les paroles de la langue et les actes des membres du corps. Thaminan. Huitièmement, les actes du corps, des membres du corps, se divisent en deux. Les actes des membres du corps se divisent en deux. La première catégorie, si elle vient disparaître, la réalité de la foi disparaît. La foi disparaît elle-même. S'il disparaît, la foi disparaît. Comment appelle-t-on cette catégorie d'actes des membres du corps? On l'appelle jinsul amal. Jinsul amal. Je vais laisser le terme en arabe comme il est sans le traduire. Athani in raba lam taribil mahiya wa in ihtazza arshuha. La deuxième sorte et catégorie d'action des actes des membres du corps est celle si elle vient à disparaître. Si elle vient à disparaître, la réalité de la foi ne disparaît pas. La foi reste tout de même, bien qu'elle soit fortement perturbée. Bien qu'elle soit fortement perturbée, mais elle ne disparaît pas. Quatrième question. Ma muradu murji'ati al-'asri min qawlihim an al-iman qawlun wa 'amal. Quel est l'objectif des murji'a contemporains lorsqu'ils disent que la foi est composée de paroles et d'actes? Qul مرادهم أولا أن عمل الجوارح كله ليس جزءا من ماهية الإيمان. Leur objectif est premièrement que les actes des membres du corps, tous les actes des membres du corps, dans leur totalité, ne sont pas une partie de la réalité de la foi. Tous les actes des membres du corps, c'est-à-dire l'ensemble des actes des membres du corps, ne sont pas une partie de la réalité de la foi. Deuxièmement, ثانياً, أن عمل الجوارح كله شرط كمال في الإيمان. Deuxièmement, que l'ensemble des actes des membres du corps sont une condition de la perfection de la foi. C'est-à-dire que celui qui abandonne tous les actes, en fait, il n'aura pas annulé sa foi, mais sa foi n'aura pas été complète. Donc, que les actes des membres du corps dans leur totalité sont une condition de la perfection de la foi. Troisièmement, que si tous les actes des membres du corps disparaissent et que la personne abandonne tous les actes, sa foi restera tout de même présente. Il aura toujours la foi. Rabi'an, anna 'amal al-qalbi wa 'amal al-jawarih ghayru mutalazimayn. Quatrièmement, que les actes du cœur et les actes des membres du qu'il n'y a pas entre les actes du cœur et les actes des membres du corps de corrélation, de lien permanent. C'est-à-dire, bima'na, anna 'amal al-qalbi qad yujadu wa la yujadu 'amal al-jawarih. C'est-à-dire que les actes du cœur peuvent être présents sans que les actes des membres du corps qui découlent de ces actes du cœur ne soient présents. Donc selon les murji'a contemporains, il est possible que les actes des membres du corps qui découlent des actes du cœur, que ces actes des membres du corps soient absents, et en même temps, la personne a toujours les actes du cœur a toujours les actes du cœur présents et stables. Wa alayhi, et par conséquent, awalan tabayyana mimma sabaqa anna murada ahli sunnati shay'un wa murada murji'ati al-'asr shay'un akhar. Donc il apparaît clairement que l'objectif de Al-Sunna, lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, est une chose, et l'objectif des murji'a contemporains en est une autre. Il apparaît clairement que Le sunna, lorsqu'ils ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, ils ont visé une chose bien précise, qu'on a citée avec les six points que le Sheikha a mentionné. Et que les murji'a contemporains, lorsqu'ils disent que la foi est composée de paroles et d'actes, ils visent complètement autre chose. Qu'Allah nous préserve de leur égarement. Thaniyan, deuxièmement, tabayyana annahu laysa kullu man qala al-imanu qawlun wa amal annahu sunni. Il apparaît clairement que ce n'est pas toute personne qui dit que la foi est composée de paroles et d'actes qui sera un sunni. Qui sera un sunni, c'est-à-dire qu'il fera partie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Bal qad yakunu wa qad yakunu min al-khawarij aw al-mu'tazila aw min murji'ati al-'asr. Donc cette personne peut être un sunnite réellement, mais il peut aussi être un kharijit, un khawarij ou un mu'tazila ou parmi les murji'a contemporains. Qu'Allah nous préserve de leur égarement. As-su'al al-khamis. Cinquième question. Hal ya'ni ma sabaqa an al-iman murakkab? Est-ce que ce qui a précédé signifie et veut dire que la foi est composée, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs choses? Qul répond, qat'an, sans aucun doute, effectivement. Li'annahu majmou'un, qawlu li'annahu majmou'u, qawli al-lisan wa qawli al-qalb wa 'amali al-qalb wa 'amali al-jawarih. Effectivement, la foi est composée. Composée de quoi? Composée d'un ensemble de, premièrement, les paroles de la langue. Deuxièmement, les paroles du cœur. Troisièmement, les actes du cœur. Quatrièmement, les actes des membres du corps. Je répète, la foi est composée. La foi est composée d'un ensemble de paroles de la langue, de paroles du cœur, d'actes du cœur et d'actes des membres du corps. السؤال السادس هل قال أحد من السلف أن الإيمان مركب؟ Est-ce que l'un des anciens, des pieux prédécesseurs des salaf a dit que la foi est composée? قل répond, dit alors جميع أهل السنة يقولون بأن الإيمان حقيقة مركبة لم يتخلف أحد منهم. Donc la réponse, l'ensemble de Ahl Sunnah, tous les membres de Ahl Sunnah wal Jama'a ont dit que la foi est une réalité, est une réalité qui est composée de plusieurs choses. L'ensemble de Ahl Sunnah ont dit que la foi est une réalité composée de plusieurs choses. Et aucun d'entre eux ne s'est opposé à ce point-là. قال الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الشافعي رحمه الله تعالى a dit, et le consensus des compagnons, de leurs successeurs après eux, le consensus des compagnons et de leurs successeurs après eux et de ceux que nous avons rencontrés dit, donc l'ensemble de ces gens-là disent que la foi, qawlun wa amal, est une parole, est composée de paroles, d'actes et d'intentions. Elle est composée de paroles, d'actes et d'intentions. Et que l'un d'entre eux sans l'autre ne pourrait être suffisant. Que l'un d'entre eux sans les deux autres ne pourrait être suffisant. ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند الشافعي وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que les actes selon que les deux sortes d'actes, il est connu que les deux formes d'actes, c'est-à-dire les actes du cœur et les actes des membres du corps, et que les paroles du cœur et les paroles de la langue, que ces deux sortes-là font partie de la foi chez l'imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Abu Umar, c'est-à-dire le cheikh vise ici que lorsque Shafi'i dit que la foi selon l'ensemble des sahaba et des tabi'in et de ceux qu'il a rencontrés est composée de paroles et d'actes et d'intentions, lorsqu'il parle de paroles ici, c'est les paroles du cœur et les paroles de la langue, et les actes du cœur et les actes de la langue, les actes des membres du corps. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد المجلد التاسع الصفحة 38 بعد 100 أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل. Et Abu Omar ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dans son ouvrage التمهيد, volume 9, page 238, il dit: L'ensemble des gens du fiqh et du hadith se sont accordés à dire que la foi est composée de paroles et d'actes. L'ensemble des gens du fiqh et du hadith se sont accordés à dire que la foi est une parole et composée de paroles et d'actes. Fin de citation. ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند أبي عمر وكذلك القول بنوعيه وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que les deux sortes d'actes, les deux formes d'actes, à savoir les actes du cœur et les actes des membres du corps, et les deux formes d'action, les deux formes de paroles, à savoir les paroles du cœur et les paroles de la langue, font partie de la foi chez Abu Omar, à savoir l'imam Ibn Abdel Bar, rahimahullah. Donc lorsqu'il dit que l'ensemble des gens du fiqh et du hadith se sont accordés à dire que la foi est composée de paroles et d'actes, c'est-à-dire de paroles du cœur, de paroles de la langue, d'actes du cœur et d'actes des membres du corps. ثالثا وقال أبو زرعة وأبو حاتم الإمام أبو زرعة وأبو حاتم qui étaient parmi les نقاد du hadith, les plus grands savants du hadith, ils dirent أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما وحجازا وعراقا وشام وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص انظر اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم رحمه الله الصفحة المئة والث الصفحة المئة والث الصفحة المئة انظر اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم رحمه الله. Donc ces deux imams ont dit, lorsque nous avons rencontré les savants dans toutes les terres, c'est-à-dire au Hijaz, en Irak, en Hosham et au Yémen, tous ces savants-là que nous avons rencontrés, leur avis et leur dogme était de dire que la foi est composée de paroles et d'actes et qu'elle augmente et diminue. Qu'elle augmente et qu'elle diminue. Voir Ijtima al-Juyush, l'islami, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, page 108 et 109. ومعلوم أن العمل بنوعيه جزء من الإيمان عند أبي زرعة وأبي حاتم وكذلك القول بنوعيه. Et il est connu que pour l'imam Abu Zura et Abu Hatim, pour tous les deux, les actes dans les deux formes d'actes, à savoir les actes du cœur et les actes des membres du corps, et les deux formes de paroles, les paroles du cœur et les paroles des membres du corps, font partie de la foi pour ces deux imams. Donc lorsqu'ils ont dit que tous ces savants-là qu'ils ont rencontrés ont dit que la foi est composée de paroles et d'actes, ils visent les paroles du cœur, les paroles de la langue, les actes du cœur et les actes des membres du corps. وقال البخاري رحمه الله تعالى كما في فتح الباري لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. الإمام البخاري رحمه الله comme on peut le trouver dans فتح الباري volume 1 page 40, il dit j'ai rencontré plus de 1000 savants, j'ai rencontré plus de 1000 hommes parmi les savants, et aucun d'entre eux n'avait un avis différent du fait que la foi, et aucun d'entre eux ne disait. Donc ici l'imam al-Bukhari dans cette parole dit qu'il a rencontré plus de 1000 savants et que tous disaient que la foi est composée de paroles et d'actes et qu'elle augmente et diminue. Que la foi est composée de paroles et d'actes et que la foi est qu'elle augmente et diminue. Et wa ma'lumun anna al-'amal bi naw'ayhi juz'un min al-iman 'inda al-Bukhari wa kadhalika al-qawl bi naw'ayhi. Et il est connu que pour le Bukhari, les actes sous leurs deux formes qu'on a citées précédemment, à savoir les actes du cœur, les actes des membres du corps et là les paroles du cœur et les paroles de la langue, ces deux formes-là, ces deux catégories-là font partie de la foi. Donc lorsqu'il a dit que tous que ces 1000 savants qu'il a rencontrés disaient tous que la foi est composée de paroles et d'actes, ils visent les paroles du cœur, les paroles de la langue, les actes du cœur et les actes des membres du corps. السؤال السابع هل جاء لفظ التركيب في كلام أهل العلم؟ Est-ce que le terme composé التركيب a été cité dans les paroles des gens de science? قل répond alors si cette question t'est posée. نعم, effectivement. أولا ذكرت لك الإجماع كما سبق وأزيدك Donc premièrement, je t'ai cité le consensus, comme tu as pu le voir précédemment. Mais je ne vais pas me contenter de ça et je vais ajouter d'autres citations. قال رحمه الله وإذا كانت المركبات وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لازم يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب. Donc dans cette citation, on voit qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala parle du fait que la foi soit composée. Donc sans rentrer dans les détails à quoi il répond, parce que ça risque de nous amener à autre chose, il est à savoir ici que Ibn Taymiyyah rahimahullah parle de la composition de la foi, que la foi est composée de plusieurs choses. وقال في المجلد السابع الصفحة الرابعة عشر بعد المئة الخامسة فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. Donc ici encore Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala parle du fait que la foi est composée. Il parle encore ici du fait que la foi est composée. Et il a utilisé le terme murakkaba ou mu'allafa. D'accord ? Mais ici, en réponse à la question du cheikh, il a cité le terme, il a employé le terme murakkaba. قال ابن القيم رحمه الله في المجلد الأول الصفحة السبعين من الصلاة وحكم تاركها وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. Et Ibn al-Qayyim dans cette parole, il dit dans son livre La prière et le hukm de celui qui l'abandonne, il dit ici nous avons un autre fondement qui est que la réalité de la foi est composée de paroles et d'actes. وقال رحمه الله كما في الصفحة السابعة بعد المئة الأولى من الفوائد قال الإيمان وراء ذلك كله والإيمان وراء ذلك كله وهو حقيقة مركبة من ثم سرد كلام ثم ذكر أمورا. Donc Ibn al-Qayyim dit aussi dans son livre Al-Fawa'id, volume 1, page 107, il dit et la foi est au-delà de tout ceci. La foi est au-delà de tout ça, puis il dit wa huwa haqiqatun murakkaba, et la foi est une réalité composée de, puis il a cité certaines choses. Et vu que ce qui nous intéresse est de savoir est-ce que parmi les anciens certains ont parlé du fait que la foi soit composée, donc le cheikh n'a mentionné que cette partie des paroles d'Ibn al-Qayyim. Wa qala رحمه الله من زاد المعاد المجلد الرابع الصفحة الرابعة بعد المئة الثالثة والصبر نصف الإيمان فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر. Donc il dit la foi est la moitié, la patience est la moitié de la foi. La patience est la moitié de la foi. Car la foi est une réalité composé de patience et de shukr, de reconnaissance. Donc Ibn al-Qayyim ici parle du fait que la foi soit composée. Kama qala ba'd as-salaf al-iman nisfani nisfu sabrin wa nisfu shukrin. Comme certains salaf ont dit, la foi est composée de deux parties. La foi est composée de deux moitiés. Nisfu sabrin, une moitié de patience et une moitié de reconnaissance. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim. Wa qala rahimahullahu kama fi miftah dar as-sa'ada al-mujallad al-awwal as-safhat as-sadisata wa al-khamsin ba'd al-mi'ah al-ula fa inna al-imana fardun ala kulli wahid. Il dit dans Miftah dar as-sa'ada volume 1 page 156, il dit la foi est une obligation pour chacun. Wa huwa ma hiya murakkabatun min 'ilmin wa 'amal. Et la foi est une une réalité composée de connaissances et d'actions. La foi est une réalité composée de connaissances et d'actes. La connaissance, c'est ça qu'on appelle les paroles du cœur. C'est ça qu'on appelle les paroles du cœur, comme on va le voir par après, Inch'Allah, dans les paroles du Cheikh. Donc je reprends la parole d'Ibn al-Qayyim. Il dit, et la foi est une réalité composée de connaissances et d'actes. فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Il est donc impossible d'imaginer la présence de la foi sans connaissance et actes. Il est impossible d'imaginer la présence de la foi sans connaissance et actes. Fin de citation des paroles d'Ibn al-Qayyim. As-su'al al-thamin, huitième question. Ma hukmu man qala al-iman ghayru murakkabin. Quel est le statut de celui qui dit que la foi n'est pas composée et qu'elle est qu'une seule et même chose? Qul répond alors à la réponse à cette question. Yu'allam wa dhalika bi ay yuqalu la, celui qui dit ça, on doit lui apprendre la vérité. Comment? En lui disant awalan anna jami'a ahli sunnati wa jami'a ahli al-bid'i illa al-jahmiyya wa man shabahahum yaquluna al-iman murakkab. Premièrement, en lui disant que l'ensemble des gens de la sunna et l'ensemble des innovateurs sauf les jahmiyya et ceux qui leur ressemblent ont dit, tous ces gens, le sunna et même les innovateurs sauf les jahmiyya et ceux qui ont suivi leur voie ont dit que la foi est composée. والفرق بينهما أن أهل السنة يقولون إن زوال بعضه لا يلزم منه زوال كله. La différence entre Ahl al-Sunnah et les innovateurs, lorsqu'ils Ahl al-Sunnah disent que la foi est composée, et les innovateurs aussi disent que la foi est composée, c'est que Ahl al-Sunnah disent que si une partie de la foi disparaît, ça ne veut pas dire que la foi disparaît dans sa totalité. وأهل البدع يقولون, et les innovateurs, quant à eux, ils disent أن زوال بعضه يلزم منه زوال كله. Les innovateurs, ils disent quoi? Ils disent si une partie de la foi disparaît totalement. Donc, le sunna disent que la foi est composée. Les innovateurs disent que la foi est composée. Mais le sunna ne disent pas que si une partie de la foi disparaît, que toute la foi disparaît. Mais les innovateurs disent que si une partie de cette composante, de ces choses qui composent la foi, disparaît, quelle que soit cette partie, la foi disparaît totalement. Deuxièmement, Thanien, on doit aussi lui apprendre à celui qui dit que la foi n'est pas composée. On doit aussi lui dire أن الإيمان وأن الإيمان الذي هو فعل العبد مخلوق وكل مخلوق مركب فمن زعم أن أي شيء مخلوق غير أن أي شيء مخلوق غير مركب يستتاب هو وأمثاله يستتاب هو وأمثاله. Donc la deuxième chose qui doit lui être dit, c'est que la foi est une action du serviteur. La foi, c'est une chose que le serviteur fait. La deuxième chose est que la foi, qui est une action du serviteur, est créée. Elle est créée. Et tout ce qui est créé est composé. Tout ce qui est créé est composé. Celui qui prétend qu'une chose créée n'est pas composée et qu'elle est unique, celui qui dit qu'une chose qui est créée n'est pas composée, celui-ci, yustatab, donc là c'est un autre chapitre qu'on appelle istitaba, wa wa amthalu, donc il doit lui être dit et doit lui être demandé de se repentir devant un juge islamique. Sinon, il y a une peine bien précise qui est le mérite de ce genre de personne. Qu'Allah nous en préserve. Yuqalu lahu ma huwa thalithan yuqalu lahu ma haddu al-imani 'indak. Donc, de même, on lui pose la question, quelle est la limite de la foi et quelle est la définition de la foi pour toi? Fa in qala huwa qawlu al-lisan, s'il dit que la foi est une simple prononciation de la langue, est une simple parole de la langue, fa qul, dis-lui alors, qawlu al-lisan murakkabun min shahadatayn. Dis-lui alors que la parole de la langue est composée de deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne le premier témoignage, c'est je témoigne qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah, et le deuxième wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et je témoigne que Muhammad est son messager et serviteur, et son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam. Fa in qala huwa qawlu al-qalb, s'il dit maintenant que la foi est une parole de la langue, فقل قول القلب مركب. La foi, la parole du cœur est-elle aussi composée? Donc ta prétention selon laquelle la foi n'est pas composée va encore être remise en cause ici, comme elle a été remise en cause quand tu as dit que la foi était une simple prononciation de la langue, car même la prononciation de la langue est composée de deux témoignages. Donc selon toi, la foi est composée de deux choses. Donc tu ne peux pas renier que la foi est composée. Donc maintenant on prend le deuxième cas où tu dis que la foi est une parole de la langue simplement. La parole est une parole du cœur simplement. La parole du cœur est elle-même aussi composée. Composée de quoi ? Murakkabun min at-tasdiq al-jazim billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadar wa ghayr dhalik. La foi, la parole du cœur est composée de, est composée d'une certitude, d'une croyance certaine en Allah, aux anges, aux messagers, aux livres, au jour dernier, au destin et à d'autres choses. Donc on voit encore ici que la foi est composée. Si tu dis qu'elle est simplement une parole du cœur, même la parole du cœur est composée de plusieurs composantes. Donc ta prétention selon laquelle la foi n'est pas composée est remise à nouveau en question. Si quelqu'un maintenant dit non mais la foi c'est juste une parole et une action du cœur, c'est juste l'amour la foi. Par exemple s'il ne dit pas c'est juste l'amour, s'il dit la foi c'est juste des actions du cœur. Faqul amalul qalbi murakkabun. Les actions du cœur aussi sont composées. Min hubbin, d'amour, wa tawakkulin, et de confiance en Allah, et de peur et d'espoir. Donc la foi, si elle est selon toi, si elle est selon toi que des actes du cœur, ben elle se retrouve à nouveau composée. Donc ta prétention du départ selon laquelle la foi n'est pas composée est à nouveau remise en question. فَإِنْ تَبَيَّنَ لَكَ مَا سَبَقْ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يَتَضَمَّنُ هَذِهِ ثَلَاثَ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّ الْإِيمَانَ مُرَكَّبٌ. Donc si il t'est apparu, c'est-à-dire très cher frère, très cher lecteur, s'il t'est apparu ce qui a précédé, sache donc que ceux qui disent que la foi est composée de paroles du cœur, d'actes du cœur et d'actes des membres du corps, ceux qui disent ça, ben d'une manière plus importante, ils vont dire que la foi est composée. C'est pas possible qu'ils disent que la foi, que dans la foi il y a des paroles et des actes, et qu'à la suite de ça ils disent que la foi n'est pas composée. Ça c'est pas possible. رابعا يقال لمن يقول بزيادة الإيمان ونقصانه من غير أهل السنة من أين تحدث الزيادة والنقصان إن كان الإيمان غير مركب. Et ceux parmi qui s'affilient à أهل السنة, et ceux qui ne font pas partie d'Ahl al-Sunnah et qui disent tout de même que la foi augmente et diminue, nous leur posons la question suivante. Ils disent que la foi augmente et diminue, mais qu'elle n'est pas composée. Nous leur posons la question suivante. Si la foi était une seule et même chose, elle n'était pas composée, comment pourrait-elle augmenter ou diminuer? La réponse, ils n'auraient d'autre choix de répondre que en disant فلا مخلص له إلا أن يقول من زيادة الأجزاء ونقصانه. Et n'aurait d'autre solution que de répondre que la foi, elle augmente, elle diminue selon l'augmentation et la diminution des composantes de cette foi-là. Donc, il se retrouve à nouveau dans une situation où il dit que la foi est composée et il ne peut plus affirmer que la foi n'est pas composée. فقل حينئذ, et à ce moment-là, dit-lui, وليس التركيب إلا هذا. Lorsque t'en arriveras à ce point-là, qu'est-ce que tu diras? Dis-lui alors, lorsque je dis que la foi est composée, je ne vise rien d'autre que ce qui vient de précéder et ce que tu viens de comprendre. Lorsque je dis que la foi est composée et lorsque Ahl al-Sunna dit que la foi est composée, je ne vise rien d'autre que ce qui a précédé et ce que on vient de déterminer. Et inshallah ta'ala, nous laisserons la suite des questions que le cheikh a mentionnées et le restant des points pour un prochain rappel. Wa barakallahu fikum wa nasallahu tabaraka wa ta'ala. Wa nasallahu tabaraka wa ta'ala l'ikhlas. ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والصدق في القول والعمل والسداد في القول والعمل وبارك الله فيكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء ويرزقه جنة الفردوس الأعلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته